boutique de Ferizet. En taffant par terre, la tête à se percher. En 6 ans d'absence, j'en ai vu des fesses bien blanches. Mais comme c'est le maintenant, je crois que ça valait le coup d'attendre. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime. Quatre pattes dans les fourrés, nos trouvailles on a fêté. Les doigts ensanglantés, dans la voiture on est monté. Ça m'a fait halluciner, sur les vifs nous a serré. Le silence dominait tout le long du trajet. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime. Aïe, malo, aïe, malo, je t'aime.